Marceline est en effet un autre obstacle au mariage de Figaro avec Suzanne. Cette vieille gouvernante du docteur Bartolo avait prêté de l'argent à Figaro, moyennant promesse de mariage. Or, Figaro n'a pas de quoi payer sa dette et Marceline désire vivement l'épouser. Par ailleurs, Chérubin, le premier page du comte, charmant et précoce garçon de 13 ou 14 ans, vient demander de l'aide à Suzanne.